Out of time. Out of time. 8h-10h. On Galaxy. Salut à tous, bienvenue, c'est le week-end et c'est Uber pour vous réveiller comme tous les samedis avec pour démarrer Madonna Music Inferno. Au fait, si le café est en train de passer, surtout ne m'oubliez pas, hein, non mais faites pas les cons, laissez-moi au moins une petite goutte. Je le prends noir et sans sucre d'avance, merci. Uber. indémodables, comme on les appelle sur Galaxy. Everything But The Girl avec Missing, c'était évidemment les années 90. Restez bien calés sur 95.30 ou sur www.galaxyfm.com avec pour la suite du son Benassi Bros avec Who's Your Daddy juste après le petit jungle que voici. Galaxy Action. Messenger. Hello, you have a message. Croissant que vous avez peut-être mangé chez vous ce matin, et pourtant c'est déjà un tube sur Galaxy, c'est Messenger, c'est remixé par Christian Sims et c'est sorti sur le label Diamond Records pour ne rien vous cacher. Trop cool le week-end avec Uber sur Galaxy. You.

vous le savez, Galaxy vous offre régulièrement vos passes pour les meilleures soirées clubs de la région. Pour gagner votre passe pour une des soirées du week-end prochain, justement, rendez-vous tout à l'heure dans un petit quart d'heure. En attendant, eh bien, je vous fais péter la suite, c'est DJ Seb Bay. Galaxy 95.3. êtes arrivé et que vous n'avez pas entendu ce que je disais tout à l'heure parce que vous n'étiez pas là, par exemple, eh bien vous tombez plutôt bien, bande de petits vénards, puisque nous allons jouer, nous vous offrons tout de suite des entrées gratos, des passes, enfin bref, vous appelez ça comme vous voulez. Nous jouons en tout cas tout de suite avec le 10e appel au standard 03 20 83 57 57. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire, bonne chance. Tous les mercredis à partir de 20h, Galaxy Live, Galaxy Live. Les meilleurs de la scène électronique en live sur Galaxy. Galaxy 95.3. Alors là, si vous vous levez, franchement, il n'y a rien de tel pour bien commencer le week-end. Hein. C'est Sun Lounger, vous écoutez à l'instant, c'est Aguas Blancas, découverte Galaxy, bien sûr. Galaxy. Galaxy. Don't stop. Music. qui arrive, que du bon son avec les snaps David Vendetta, DJ Delicious et Level 42 avec Listen's in Love. Pour arriver au top, c'est BBE qu'on a un peu dépoussiéré, mais bon, pas de panique, hein, ça passe encore très bien. Allez, on y va, c'est parti pour Flash. Cette deuxième heure avec B-Mine. Pour la suite, c'est déjà calé. Ce sont les snaps qu'on vous a ressortis avec The Power.

C'est Alex Godino sur Galaxy 9530 ou peut-être que vous nous écoutez de l'autre côté de la planète. Alors dans ce cas-là, c'est www.galaxyfm.com. Galaxy. Just electronic music. Surtout ne touchez absolument rien. Prochain jeu dans une dizaine de minutes. Ça vous permettra bien sûr de gagner quelques passes valables pour les meilleures soirées du week-end prochain. Galaxy. Galaxy. Galaxy. 95.3. easy love. If we lose the time before us, the future will ignore us. We should use it, we could lose it. Lessons in love, love, love, love. interview sur Galaxy. Souvenez-vous, c'était le 27 février. C'est Michel et Anna et Tiares qu'on écoute à l'instant avec We Lock It Hard. C'est le nouveau single. Et là, je m'adresse aux gens qui nous écoutent sur le net. Et si vous n'êtes pas très loin de Monaco, eh bien, celle qu'elle y sera ce soir et précisément aux Blue Jeans. Et notamment pour présenter son nouveau single que vous écoutiez donc à l'instant sur Galaxy. All I ever dreamed of. All I ever wanted. All I ever need. Galaxy. C'est maintenant le moment de jouer. Ouais, youpi, puisqu'on vous l'a promis donc tout à l'heure, nous vous offrons une entrée gratos plus une compile. Vous pouvez bien sûr nous appeler dès maintenant 03 20 83 57 57 et nous jouons avec le 10e appel. Galaxy. Galaxy. Priorité. Priorité à la nouveauté. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. I wanna fuck you like an animal.